Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Sache que ton Dieu règne. Il est assis sur son trône de gloire. Le règne de ces hommes, le règne de ce monde est passager. Mais lui règne éternellement. Oui, il est capable d'agir. Il est capable de résoudre ton problème. C'est pourquoi tu dois l'invoquer. Alléluia. Réveille-toi. Réveille ton voisin. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Nous sommes à OSB. Opération sur la brèche. Nous allons lire Matthieu. Chapitre 6, versets 11 à 15. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Nous poursuivons notre étude sur la prière de notre Père. Hier, nous avons vu les trois premières requêtes qui concernaient Dieu. Maintenant, aujourd'hui, nous allons analyser les trois autres requêtes qui concernent l'homme, c'est-à-dire nos besoins à nous. Nous avons donc trois grandes vérités que nous voulons partager avec vous. Première vérité, apprenons à demander à Dieu ce dont nous avons besoin. C'est ça aussi la prière. C'est pourquoi Jésus dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Cela veut dire que chaque jour, le Seigneur veut que nous dépendions de lui. Est-ce que tu comprends? Chaque jour, le Seigneur veut que tu lui demandes ce dont tu as besoin. C'est pourquoi la Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Regardez les enfants d'Israël. Lorsqu'ils marchaient dans le désert, Dieu leur donnait la manne pour chaque jour. C'est pour qu'ils apprennent à dépendre de lui. Je ne dis pas que faire des prévisions ou bien faire des réserves, c'est mauvais. Non, ce n'est pas mauvais. Mais au-delà de ça, le Seigneur veut que nous apprenions à dépendre de lui. Je vais dire à quelqu'un, ce matin, de quoi as-tu besoin? Peut-être que tu as besoin de l'argent. Peut-être que tu as besoin que le Seigneur te soutienne parce que tu dois aller déposer un dossier. Peut-être que tu as besoin de l'intervention divine parce que tu as un rendez-vous à l'ambassade quelque part. Oui, tu te demandes si on va t'accepter. Mais si tu pries le Seigneur, il va partir avec toi. Il va incliner le cœur du consul. On va te donner le visa. Même s'il y a une pièce qui manque, même s'il y a quelque chose qui manque, la faveur divine est capable de t'accorder. Vous voyez, le pain quotidien, c'est tout ce dont nous avons besoin pour notre vie, pour notre subsistance. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Quel est ton pain dont tu as besoin? Peut-être que tu as besoin de restauration, tu as besoin de guérison, tu as besoin de l'habillement. Oui, je parle à quelqu'un. Tu prépares ton mariage et tu te poses la question. On te dit que tout est cher, la salle même est chère. Hein? L'habit même que tu veux porter, la robe de la mariée est chère. Mais je vais dire à quelqu'un que le Seigneur va pourvoir dans le nom de Jésus-Christ. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Alors apprends à dépendre de Dieu. Ne regarde pas vers les hommes. Même si ton oncle, celui qui t'a promis l'argent pour les mariages, a fait défaut. Mais les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Dis que le Seigneur est capable de pourvoir. C'est pourquoi il veut que tu lui demandes. en disant « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». L'apôtre Paul pouvait dire « Lui qui n'a pas épargné son propre fils, il a donné pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Le raisonnement est simple. Dieu nous a déjà donné Jésus. C'est le plus beau cadeau qu'il nous ait donné. Maintenant, comment il ne peut pas te donner la nourriture? Comment il ne peut pas te donner le salon dont tu as besoin? Comment il ne peut pas te donner le terrain dont tu as besoin? Comment il ne peut pas te donner la voiture dont tu as besoin? Vous voyez, c'est pourquoi il faut apprendre à lui demander. Mais lorsque tu le fais, il faut le faire avec confiance. Deuxième vérité, pardonne-nous nos offenses. C'est-à-dire, apprenons à confesser nos péchés à Dieu. Il y a des gens, quand ils prient là, ils pensent que la prière c'est toujours chasser les démons, combat. Non, mon ami, il y a des moments où quand tu pries là, avant même d'ouvrir ta bouche pour dire « Seigneur, bénis-moi », tu dis « Seigneur, pardonne-moi ». Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu entres en toi-même. Tu regardes si ta vie est conforme à la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous faisons qui vexent Dieu. Le péché bloque notre communion avec Dieu. Quand je parle de péché, il faut voir les quatre sphères suivantes. Il faut voir les quatre sphères suivantes. Il y a d'abord le péché que nous commettons au niveau de nos pensées. Souvent cela, beaucoup de gens oublient ça. Au niveau des pensées, tu as toujours des mauvaises pensées, des pensées impures, des pensées de suicide. Même je vais parler à une jeune fille, tu as toujours des pensées noires, des suicides. Ça, ce ne sont pas de bonnes pensées. Il faut demander pardon à Dieu pour ça. Tu as des pensées mauvaises. Il y a des péchés que nous commettons au niveau des actes. Par exemple, frapper quelqu'un. Ce n'est pas bon. Je vais parler à quelqu'un. Comment est-ce que tu peux frapper aujourd'hui au 21e siècle? Tu frappes encore ta femme. Et pourtant, tu dis que tu es ancien de l'église, tu es diacre. Ce n'est pas bon. Voler, tous ces actes-là, commettre l'adultère, la débauche, s'enivrer, ce sont des péchés que nous commettons au niveau des actes. Maintenant, il y a la troisième sphère, c'est le péché que nous commettons par nos paroles. Insulter les gens, faire des commérages, calomnier les autres. Vous voyez, souvent dans l'église, il y a beaucoup de gens, nous commettons des péchés dans ce domaine. Nous disons des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Nous prononçons des paroles méchantes. Ce sont des péchés que nous devons confesser. Et puis la quatrième sphère, ce sont des péchés que nous commettons par omission. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que ce que tu devrais faire, tu n'as pas fait. La Bible nous dit que celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, il commet un péché. Par exemple, lorsqu'au lieu de prier le Seigneur, tu t'endors comme ça, tu t'endors énervé, tout ça, tu as commis un péché parce que tu n'as pas fait ton devoir. Lorsque tu n'as pas donné à Dieu fidèlement ta dîme, tes offrandes, Dieu t'a béni. C'est un péché aussi, il faut demander pardon. Vous voyez, ça, ce sont des péchés par omission. C'est pour toutes ces raisons-là, quand nous prions, il faut apprendre à dire au Seigneur, pardonne-nous nos offenses. C'est-à-dire, pardonne mes péchés. Parce que le sang de Jésus a coulé sur la croix de Golgotha. Mais il faut que tu reconnaisses tes péchés. Parce que souvent, il y a des blocages que nous connaissons tout simplement parce que nous avons des péchés que nous n'avons pas confessés. Mais il continue en disant, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pardon horizon, le pardon vertical, c'est-à-dire le pardon que Dieu nous donne, nous accorde, devrait aussi nous motiver à pardonner aux autres. Quand toi tu demandes pardon là, Dieu te pardonne. Mais comment toi tu ne peux pas pardonner aussi à ta sœur qui t'a fait du mal? C'est pourquoi Jésus dit, quand nous prions, dites, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Parce que si toi, tu ne pardonnes pas à ceux qui t'ont offensé, Dieu ne va pas non plus te pardonner. Parfois, nous sommes durs avec les autres. Tu dis, voilà ce que tu m'as fait, c'est pour la deuxième fois, pour la troisième fois, je ne peux plus accepter ça. Mais regarde toi-même là, ce que tu fais à Dieu, combien de fois le même péché tu es tombé. Mais chaque fois que tu reviens, Dieu ne te dit pas que bon, comme c'est la troisième fois, c'est la quatrième fois, je ne peux plus te pardonner. Apprenons donc à pardonner aux autres leurs offenses. Jésus nous a montré lui-même le modèle. Il pouvait prier pour ses ennemis en disant, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Troisième vérité, apprenons à demander à Dieu la délivrance. Vous voyez? C'est ce que Jésus veut nous montrer au verset 13 et suite. « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Ne nous induis pas en tentation, ça veut dire quoi? Ce n'est pas Dieu qui nous conduit dans la tentation. Dans d'autres versions, c'est dit « Ne nous laisse pas succomber dans la tentation. » La tentation, c'est quelque chose qui peut arriver dans la vie de toute personne. Il y a des tentations intérieures, c'est-à-dire les désirs que nous éprouvons pour commettre un péché. il y a aussi des tentations extérieures qui sont les épreuves. Souvent, c'est pendant des moments d'épreuves que nous succombons, que le diable en profite. Le malin ici, c'est un autre nom de Satan. Voyez, délivre-nous du malin. Cela veut dire que nous avons besoin, même en tant que chrétiens, nous avons besoin que Dieu nous délivre du malin. Le malin est là pour chercher toujours à nous bloquer, à bloquer notre vie, à nous bloquer au niveau de la santé, à bloquer notre prospérité, à bloquer notre épanouissement, à nous empêcher de servir Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de dire « délivre-nous du malin ». Je vais dire à quelqu'un, peut-être que le malin a bloqué ta vie. Peut-être que tu n'arrives même plus à progresser dans ta vie spirituelle. Parce que quelque part, tu t'es laissé entraîner par l'ennemi. Le malin a bloqué ta vie. Tu vas prier ce matin en disant « Seigneur, délivre-moi du malin. Délivre-moi de ces forces, de ces puissances sataniques qui bloquent ma vie, qui empêchent mon épanouissement, qui empêchent ma libération, qui empêche ma prospérité. » Vous voyez, quand on parle du malin, dans l'autre version, on parle du mal. Ça veut dire, ça implique aussi les péchés. Tu as besoin que Dieu te délivre de certains péchés qui commencent à dominer sur ta vie. Le mensonge qui commence à dominer sur ta vie. La colère qui commence à dominer sur ta vie. L'impudicité qui commence à dominer. Tout ça, c'est le malin. Tu as besoin parfois d'être délivré. C'est pourquoi la prière implique aussi cet aspect-là. Où tu as besoin d'une délivrance divine dans toutes ces dimensions. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier en chantant ce cantique. gloire à Dieu. Élevons tous ensemble nos voix pour bénir ce Dieu qui nous aime. Il est un Dieu merveilleux. Il est le Dieu qui nous délivre. Élève ta voix là où tu es. Être reconnaissant ce matin envers toi, notre Dieu, pour la vie que nous avons en toi, pour la délivrance que tu nous apportes nuit et jour, passe par les attaques nocturnes, des fois même vis-à-vis spirituel, mais tu nous délivres, tu nous protèges. Ce matin, ensemble, nous levons nos voix vers toi pour te magnifier, pour te lever, pour t'acclamer, nous prosterner devant toi, reconnaître ta seigneurie, ton autorité, ta suprématie, ta grandeur, toi le Dieu des signes, le Dieu des prodiges, le Dieu des miracles, le Dieu vivant, le Dieu qui agit toujours. Merci, louange à toi, adoration à toi, acclamation à toi ce matin, que toute la terre, que tout ce qui respire, te loue, t'acclame et t'honore. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à notre émission de prière, Opération sous la brèche, acronyme OSB. Nous prions chaque 5h du matin, temps universel. Et nous rediffusons sur le site web www.radiofréquencevie.com cette émission à 11h temps universel, seulement sur le net. Et puis à 20h temps universel. Donc vous pouvez nous suivre partout dans le monde, que ce soit dans d'autres pays africains, autres que la Côte d'Ivoire, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit aux États-Unis. Et vous pouvez télécharger l'application Fréquence Vie Android sur votre téléphone mobile Android ou votre tablette. Et ça sera simple. Allez tout simplement à Google Play Store et vous écrivez Radio Fréquence Vie, vous tapez et puis vous appuyez là où c'est écrit télécharger et puis vous attendez quelques minutes et puis vous aurez maintenant l'application sur le tableau ou le bureau de votre téléphone Android. Que le Seigneur vous bénisse. Notre passage du jour, Matthieu chapitre 6, versets 11 à 15. Nous continuons l'étude de la deuxième partie de la prière de notre Père. Nous venons de voir que nous devons apprendre à demander ce dont nous avons besoin en disant « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Tu vas prier maintenant pour présenter un besoin quelconque à Dieu. Oui, présente-lui ses besoins. Aie confiance qu'aujourd'hui, il va te donner ce dont tu as besoin. Saisis-le par la foi au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, ce matin, nous bénissons ton saint nom. Toi qui as créé les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. C'est pour nous une opportunité de te dire merci et d'exprimer notre grande reconnaissance pour ce privilège que tu accordes à chacun de tes fils et à chacune de tes filles qui ont reçu ton fils Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Ce matin, nous prions au Père éternel et nous nous tournons vers toi pour notre soutien de chaque jour. Nous nous tournons vers toi, ô Père éternel, pour notre pain quotidien. Nous avons besoin de toi parce que tout ce que nous avons, c'est toi qui nous les donnes. C'est toi qui les mets à notre disposition. Nous prions, ô Père éternel, pour nos besoins quotidiens. Nous prions, ô Père éternel, pour le mariage. Accorde le mariage à ceux des nôtres qui ne sont pas encore mariés. Nous prions ce matin pour ceux qui ont besoin d'une bonne santé. Nous prions pour ceux qui ont besoin de sommeil. Nous prions pour ceux qui n'ont pas d'appétit, afin que tu puisses les permettre d'avoir cet appétit au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour ceux qui souffrent, ceux qui sont harcelés chaque jour par les puissances des ténèbres. Nous demandons, Père, qu'ils soient délivrés de ce joug satanique. Nous prions aussi, Père éternel, pour cette famille, pour ces familles qui ont mis leur foi, leur confiance en toi depuis plusieurs années pour avoir un enfant. Nous prions, Père, que tu leur donnes cette grâce comme tu l'as fait à Anne et à son mari, comme tu l'as fait à Zacharie. C'est au nom de ton fils Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Apprenons aussi à demander pardon à Dieu et à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Alors tu vas voir l'une de ces dimensions. Peut-être que le Seigneur te rappelle encore un péché que tu n'as pas encore confessé. Demande pardon à Dieu. Et peut-être que tu n'as pas encore pardonné à quelqu'un. Le Saint-Esprit vient de te rappeler quelqu'un qui t'a fait du mal, que tu ne veux même plus l'appeler. Tu ne veux même plus le saluer. Tu ne veux même plus aller le voir. Alors que tu demandes pardon au Seigneur pour lui dire, Seigneur, en lui disant, Seigneur, aide-moi à pardonner telle personne qui m'a fait des méchancetés, telle personne qui m'a critiqué, telle personne qui m'a calomnié. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sois-tu le Dieu véritable, le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois, le Dieu qui était, qui est et qui vient, le Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer, le Dieu qui ferme et personne ne peut ouvrir. Sois exalté ce matin. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, pour la force que tu nous as donnée de nous retrouver ce matin devant ta parole, devant, Seigneur notre Dieu, ce moment spirituel. Nous prions que tu nous aides. Nous n'arrivons pas à pardonner. Nous avons la haine dans le cœur, le mépris, le dédain, la méchanceté. Nous voulons même la mort de ceux qui nous offensent, de ceux qui méditent des complots contre nous, de ceux qui nous ont mal parlé. Nous voulons la mort de tous nos ennemis. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Tu nous rappelles ce matin de pardonner. Merci pour ton esprit de pardon qui vient se loger en nous, afin que nous abandonnons la chair, les œuvres mortes de la chair, et que nous renoncions aussi, Seigneur notre Dieu, aux pensées impures, aux pensées malsaines, pour accepter ta volonté et faire ta volonté. Merci, Père, parce que nous prenons l'engagement aujourd'hui d'appeler celui que nous avons dit à jamais, nous n'allons plus appeler, nous n'allons plus communiquer avec lui, avec elle. Merci pour ta force que tu nous donnes, la force du pardon. Gloire à toi, louange à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand nous prions, nous devons aussi demander au Seigneur de nous délivrer du mal ou du malin. Tu vas prier maintenant. Je ne sais pas quel est le domaine où le malin a bloqué ta vie. Quel est le domaine où tu vois l'emprise du malin qui veut t'empêcher de t'épanouir, qui veut t'empêcher d'avancer? Tu vas prier pour dire, Seigneur, délivre-moi du malin. Peut-être que tu es malade. Je déclare que quelqu'un qui saisit ce matin, tu saisis la guérison par la puissance du nom de Jésus. Que là où le malin a bloqué ta vie, oh, tu es endormi pendant plusieurs semaines, tu ne t'es relevé plus. Ce matin, tu vas te relever dans le nom de Jésus. Saisis la main de Jésus. Il te délivre du malin. Toi qui as des difficultés de respiration, tu te sens étouffé. C'est comme si on a mis un serpent sur toi. Il y a quelque chose qui bloque ta respiration. Saisis la main de Jésus. Il te délivre du malin. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Prions le Seigneur et saisis la guérison au nom de Jésus. Nous savons ce matin à qui nous croyons, vers qui nous élevons nos voix ce matin, c'est vers toi le Créateur des cieux et de la terre, celui-là qui nous a rachetés, qui nous a aimés, et par son Fils qui a purifié nos péchés. Nous avons foi en ta parole. Ce matin, nous t'implorons, nous te supplions, nous te demandons de nous délivrer du malin, au nom de Jésus-Christ, de toute main du malin dans nos vies, dans nos âmes, dans nos corps, dans notre esprit, dans notre foyer, dans tout ce que tu nous as donné, là où il s'est assis, là où il nous a bloqués, où il nous a liés, où il s'oppose à nous, notre Dieu, nous te demandons ce matin que ta main soit ouverte, afin qu'il dégage au nom de Jésus-Christ, qu'il prenne la fuite maintenant, qu'il prenne la clé des champs maintenant, délivre-nous du malin. Notre Dieu, il s'oppose à notre élévation, à notre promotion, à notre santé, à notre mariage, à notre voyage, à notre guérison. Il s'oppose à notre ministère. Nous prions ce matin qu'il s'en aille maintenant sous la main du Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, tu n'as plus droit parce que c'est le Seigneur qui règne. Il doit régner là où le Seigneur réside. Tu n'as plus le droit de demeurer. Au nom de Jésus, nous avons la victoire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Nous rappelons que nos rencontres bonheur conjugal sont suspendues pendant le reste du mois de juillet. Nous allons reprendre pendant le mois d'août. Au revoir et à demain. La joie du Seigneur, à nous la vie.